Albe avait besoin d'un rituel particulier pour prendre connaissance du message qu'on lui adressait. Depuis plusieurs années, elle s'y résolvait environ une heure après son réveil, après avoir mangé et dissipé le souvenir de ses fièvres nocturnes, lorsque le soleil en pleine ascension réanimait les ténèbres et la moiteur des cauchemars, lorsque son corps fraîchement lavé lui paraissait assez pur. Elle commençait souvent à ressentir les premiers effets de la peur à l'instant où elle fermait les rideaux. Elle essayait de ne pas faire le moindre bruit, mais la vétusté de la tringle, que ne compensait pas encore une longue habitude, l'obligea ce jour-ci à faire deux pauses de plusieurs minutes pendant l'opération. Agrippée au rideau dont elle eût voulu pétrifier le moindre drapé tremblant, elle attendait que le silence eût complètement lavé le grincement qu'elle avait produit avant de poursuivre son mouvement. L'idée que quelqu'un pût savoir ce qu'elle était en train de faire et pourquoi n'était pas exactement présente à sa conscience, mais elle sous-tendait chacun de ses gestes sans qu'elle se la formulât. Une fois le rideau tiré et la chambre opaque, la peur s'intensifia assez vite, car c'était à nouveau l'espace du secret et de la nuit. L'espace clos sur lui-même à l'intérieur d'une paroi à la fois protectrice et intimement écœurante, derrière laquelle prennent soudain naissance les mondes les plus monstrueux. Il lui fallait se faire violence pour respirer maintenant, car elle savait que l'heure approchait où elle devait ouvrir la série de coffres et de serrures qui claquemuraient son ordinateur. Ceci était l'une des parties les plus pénibles du rituel. Elle avait le sentiment qu'elle déterrait un cadavre, qu'elle exhumait une puanteur, une force, une bête, qu'elle ne serait plus jamais capable d'endiguer. C'est pourquoi elle éprouvait toujours une sorte de soulagement quand le dernier coffret lui ouvrait ses entrailles et qu'elle n'y trouvait que la machine grise, aseptisée, inoffensive. Elle la soulevait, vérifiait que rien n'était caché au-dessous, puis, avec une précaution qui durait parfois de longues minutes, elle appuyait sur le bouton. Pendant l'éclair lumineux qui signalait la mise en marche, elle se rendait compte que ses muscles se relâchaient, que la sueur refroidissait ses tempes, que la contraction qu'elle éprouvait allait bientôt prendre fin après le paroxysme. Aujourd'hui, le message apparaissait en rouge sur fond noir. « Albe, rougeoyait-il, vous avez encore une fois été la plus forte, mais ne mésestimez pas vos adversaires. Leur nombre, leur acharnement n'ont pas de limite, et cette détermination qu'ils mettront à vous nuire, à vous percer à jour, provient de ce qu'ils veulent toujours, encore, sans cesse, savoir des renseignements sur votre mère. Ne parlez pas d'elle, Albe, car si vous commencez à le faire, ils ne vous lâcheront plus jamais, et cette tranquillité à laquelle vous aspirez si fort, cette paix de l'âme, vous ne la retrouverez plus jamais. Résistez donc encore, Albe, sans flancher. »